c'est la crise. Mais je vous ramène du rap acrobatique. Si t'es accro de masique, ALKPOTE, le rap codique. Suceur. D'Evry à Grigny jusqu'à Châtelet, les Halles. Sacré pédale, mon armée halle, le phrasé est sale. Les têtes cramées se régalent. J'fais un taf cérébral, comme les putains qui savent charmer les mâles. On a de la synthé et de la végétale. On est fin pré-cinglé, j'fais des bails pas très légales. Malgré le pénal et leur star fédéral, on a des armes et des balles, on sait où acheter le métal. Ça fait très mal, comme la façon dont ils se sont débarrassés de quel cal. Pouvaient tous crever, faire un nap sérénal. Moi, ça m'est égal, je suis navré et je râle. J'ai pas fait la générale, j'ai pas besoin de passer des vals. Je suis mon trajet et je décale, satan est aspect d'étal. Au petit déj, je roule 5 grosses piles d'air, coupe fin, je prends pas de céréales. Allez, allez, je déballe ma vie, la saleté s'étale. Comme Maravandre, je mets des coups de fer à repasser tes fals. Tunisie, Algérie, Rock, Ma, Sénégal, Mali, Cameroun, on remplira après les salles. Inch'Allah, on remplira après les salles. Sonar, on brûlera les ondes hertziennes. Les nouveaux, Jérôme Kerviel, ALKPOTE gère la crise. Même sans taf, on fait du fric, suceuse. Rien à foutre, on n'a pas de diplôme, on travaille quand même. J'encule le père de l'enfant de Rachida Dati et Xavier Darcos, le ministère. ALKPOTE, l'enfer sur terre.